C'est dédicace à Lil K à la prod. J'ai des traces quand la mer pleure. Et je trace 200 à l'heure. Rien que ta race dans le secteur. Laisse des traces sans que tu meurs. J'ai des traces quand la mer pleure. Et je trace 200 à l'heure. Rien que ta race dans le secteur. Laisse des traces, laisse des traces. J'ai des traces quand la mer pleure. Et je trace 200 à l'heure. Rien que ta race dans le secteur. Laisse des traces, traces. Gros, j'ai tourné mon premier clip à Corée. On va fumer, t'enterrer seul en forêt. Déchets les cœurs, vite on jette les tapes pleurer. Nous devons faire mes frontières comme en Corée. J'ai caché les billets dans le faux plafond. Je roule en carrière, mais du tout pas qu'à fond. Je bouffe des tâches pour moi, c'est comme des macarons. Des premiers millions, une jette l'œil de Sauron. Élevé otage, ils n'ont son billet à checker. Ta pouca, tout le quartier ne vient pas me checker. Ils ne se mélangent pas, ils sont comme les béquets. Mais mes ennemis béquets. Je sors de la banque avec un putain que ça. Le team me prend pas royal, j'ai pas qu'ébras. Je reviens voir le daron seul à Darbeda. Je passe par le riche, je te ramène de quoi pédale. On fait ça seul, on compte pas sur la relève. Ils ont dû me spare de Miami sur les lèvres. Qui suce le mieux sera le meilleur élève. Tiens, un bon point et puis une bite sur les lèvres. Direction Panama, flash dans la chebou. Pour ceux qui bibinent, pas de jour de repos. T'as mis dans la blanche le frère de ton topo. Ils vont tirer dessus dès que tu sors du stepo. J'ai des traces quand la mer pleure. Et je trace 200 à l'heure. Rien que ta race dans le secteur. Laisse des traces sans jour que tu meurs. HLM. J'ai grandi dans Stoji, le VDRM. J'ai fourré dans la cabine du H&M. Les bornes ne parlent jamais chinois en DM. Tout le monde lui passe dessus, même les KTM. Lundi en Louboutin, mardi en TN. J'ai pris perpète dans la luxure humaine. Et je tourne en promenade dans le jardin d'Eden. De pas dans la loge, on te fait du Kama Sutra. PS, on est de retour comme les ultras. Ça va mal se passer, convoqué au prétoire. 45 jours à tourner seul dans le noir. Tout le monde veut faire de la musique, regarde, ils ont même voulu faire chanter Balbouine. 6h du matin, que venir retourner chez moi, mais c'était déjà ruine. Casque intégral, on t'arrête sur la A1. Même la patinoire ne prend pas tes patins. Y'a du trafic sur le chemin du succès. Du bas de l'échelle, on a gravi les sommets. On finit jamais les bouteilles sur nos bleutins. Dans le coin vibro, y'a ça sans la peufra. Dans le secteur, on fout le hell à Angela. Putain, la go à twerker, on gelèbre. J'ai des traces quand la mer pleure. Et je trace 200 à l'heure. Rien que ta race dans le secteur. Laisse des traces.